boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Passer lentement, en cours d'un voile de poussière. Les souvenirs incandescents, peu à peu perdent la lumière. Et ça les trace inexorablement, des sillons dans nos chairs. Succède au rire des enfants, un étau qui se resserre. L'océan ne laisse plus qu'une terre desséchée, vidée de son sang, comme le sont nos cœurs de pierre. Les années cassent les beaux sentiments, les obligent à se taire. Terré sous le poids des ans, avant de n'être plus que poussière. Les souvenirs incandescents, peu à peu perdent leur lumière. Et ça les trace inexorablement, des sillons dans nos chairs. Succès d'ouvrir des enfants, un étau qui se resserre. Ce soir, RVR était au concert au local de 21 grammes. Première question, je pense existentielle, ça fait quoi de jouer devant des amateurs de Johnny? On joue devant tout le monde, nous, pas de soucis. Moi, j'ai envie de dire que ça met un max de pression et on essaie de se montrer à la hauteur, mais c'est pas toujours évident. Non, bravo, nous, on vous a vu trois fois et franchement, vous êtes donné à fond. C'est super de devant un public comme ça, d'être aussi investi, j'allais dire. Bon, 21 grammes, 21 grammes, c'est qui? Qui est-ce qui me présente le groupe? Alors, les prénoms de tout le monde. Moi, c'est Arthur. Guitare. Guitare. Et cœur. Et cœur. Dis-le. Guitare et cœur. Tristan à la batterie et cœur. Salut, Tristan. Salut. Après, on a Steph à la basse et cœur aussi. Salut. Et on a Guillaume qui fait la voix lead et guitare lead. Salut, Guillaume. Salut à tous. Bon, alors, première question. Vous venez de Saint-Étienne. C'est bien ça? Ouais. Ouais. Vous faites des concerts suite à la sortie de votre premier album, si j'ai bien compris. Il y a trois EP et un album qui est sorti en 2021. Et il y a une tournée qui part derrière? Ouais, bah, comme d'habitude, nous de toute façon on tourne régulièrement, qu'il y ait une sortie de disque ou pas, on a l'habitude de jouer régulièrement et de prendre la route. Après là, ouais, cette année c'est spécial parce qu'on a sorti vraiment le premier album, on a mis un an pour concrétiser ce projet-là. On a profité de la période Covid pour rentrer en studio, faire notre album. Donc on est sorti, l'album est sorti, nous on avait les crocs de reprendre la route et de refaire des lives. Donc depuis, bah, en avant, on trace notre sillon, quoi. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait écrire vos albums? C'est quoi vos inspirations? Qui est-ce qui répond? Ces questions d'inspiration, ça va être Guillaume. Guillaume? Je sais pas, le processus créatif, il est étrange parce que c'est une sorte de digestion psychique de tout ce qui se passe dans nos vies à plusieurs degrés, personnel, sociétal, etc. Même si on n'est pas trop orienté textes sociétaux, ça nous influence. Après, le processus de création lui-même, il est bizarre parce que c'est une digestion qui se passe, tu te rends pas trop vraiment compte. Il y a des périodes longues où il n'y a rien qui se passe parce que tu accumules de l'expérience, tu accumules des émotions. Et puis un jour, une expression, un riff, un truc assez anodin va déclencher un morceau. Et puis après, j'ai envie de dire, C'est inspiré, alors pas que je me mets en position de lotus et que j'attends que, que l'archange Gabriel me dicte mes textes, mais c'est compliqué à expliquer ce processus de création parce que c'est assez inconscient en fait. Mais comment ça se passe? Il y a une idée, tu proposes une ligne musicale, je sais pas, et ensuite chacun avec son instrument vient pour rajouter, pour créer quelque chose? Ouais, ça va même plus loin que ça. Moi, ouais, effectivement, les chansons, à la base, c'est moi qui écris les textes et qui commence à écrire la mélodie et à commencer à structurer un peu le morceau. Donc, je maquette un peu tout ça. J'amène ça aux musiciens. Puis après, chacun va apporter des idées par rapport à son instrument. C'est-à-dire que la basse va apporter une ligne de basse qui respecte l'esprit du morceau, la batterie, la deuxième guitare, etc. Mais en plus, il y a le processus où on va se mettre tous les quatre ensemble et on va lui mettre du relief à ce morceau, on va le creuser, voir quelles parties vont faire monter la pression, quelles parties vont la faire exploser, quelles parties sont censées prendre les gens et les emmener dans un autre trip. Il y a vraiment ce travail en groupe de creuser le relief et voilà, de proposer à travers un même morceau plusieurs atmosphères, plusieurs états d'esprit et que les gens voyagent avec nous sur ce morceau-là. C'est quoi ce que vous écoutez comme musique? J'aime bien quand je rencontre des gens comme vous, c'est vous demander qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce qu'on doit écouter nous pour prendre notre plaisir avec de la musique. Bah déjà Arthur, il aime bien Johnny. C'est vrai. Donc il est content ce soir. Quelle est ta chanson préférée Arthur, de Johnny? Vous m'en demandez beaucoup là. L'intégrale. Le best-of. Bon, plus sérieusement, vous êtes intermittent du spectacle? Non, c'est... expliquez-moi c'est... comment vous fonctionnez. C'est pas trop notre souci parce que l'intermittence, bah déjà on n'est pas des perdreaux de la veille. Nous ça fait plus de 20 ans, alors pas avec ce groupe. 21 grammes cet été va fêter ses 10 ans, mais nous ça fait 20-25 ans qu'on fait de la scène et on sait comment tourne le milieu. Et l'intermittence c'était pas une fin en soi de mélanger l'aspect, c'est ça qui nous fait vivre, l'aspect économique et l'aspect artistique. On a tous nos vies à côté. Par contre, on a tous des temps importants, sanctuarisés, consacrés au groupe pour tourner, pour répéter et pour écrire. Donc chacun a une occupation à côté de la musique. Tristan, tu fais quoi toi, à part de la batterie ? Je viens de lancer ma micro-entreprise de photographe. D'accord. Arthur ? Moi, je suis infirmier. Infirmier ? Stéphane ? Gigolo. Ça, c'était le bassiste. Les bassistes sont des gigolos. Alors, je coordonne un secteur enfance-jeunesse, du coup, dans un centre social. D'accord. Et Guillaume ? Il fume, Guillaume, fume et tous. Il est, c'est le plus vieux de la bande, non ? Ouais, je suis le doyen. Non, moi, en fait, je co-anime une web TV avec ma femme, et une web TV qu'on a créée. Sur Saint-Etienne ? Ben, on diffuse partout, on est international, on est sur Internet. Et en fait, moi, j'ai une web TV consacrée à tout ce qui est mystère et inexpliqué. Je suis passionné par les ovnis, le paranormal, les civilisations antédiluviennes. Comment elle s'appelle, cette chaîne ? Ça s'appelle Nurea TV. Ok. Bon, et à part ça, la suite de la tournée, quels sont vos projets là maintenant pour 21 grammes ? Bah, l'idée, on va continuer à bosser parce qu'on a encore des dates qui se profilent, dates qui sont visibles sur la page Facebook du groupe, il y a toutes les infos. Donc, et puis on alterne là sur les phases de répétition entre répétition du set et puis on essaye voilà de recomposer, de lancer des idées pour repartir sur de la composition également. Donc voilà un peu le programme pour la suite. Et donc la prochaine date, c'est quand, c'est où ? Il y a plein de dates qui arrivent là. Sur le mois de juin, on va passer à Saint-Étienne au Festu. On a un festival, le Solstice, à Beaulieu-les-Loches. Alors, ça, je ne sais pas où c'est, mais c'est au centre de la France. Après, on va retourner. On a des festivals en Haute-Savoie. On retourne dans l'Ain. Enfin, il y a pas mal de dates. Je ne vais pas toutes te les faire, mais en gros, c'est le Festu. Voilà, le prochain, c'est le Festu, dans notre fief à Saint-Té. Et puis, il y a des festivals éparpillés sur l'été qui vont être de belles scènes à vivre. Avec un beau public, j'espère. Ouais, ça s'y prête bien, les festivals, les gens, bah déjà il y a des grosses jauges, là en Haute-Savoie ça va des concerts devant 2000 personnes, donc ouais, les gens viennent s'amuser, faire la fête, nous justement on est là pour libérer un maximum d'énergie, libérer ça avec eux, donc ouais, ça va être des beaux rendez-vous. Vous avez déjà fait des grandes scènes avec des artistes connus, moins connus, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus ? Bah en fait, il faudrait demander aux artistes s'ils ont déjà joué avec nous. Ouais, ça serait oui, pardon, alors, quels sont les artistes qui ont joué avec 21 grammes ? Eh ben, Johnny a failli et puis ça s'est pas fait. Non, j'ai pas en tête de grosses têtes d'affiches avec qui on a joué. Par contre, oui, il y a eu pas mal de festivals, on va dire des festivals intermédiaires, des jauges à 500, 1000 personnes, où tu arrives là, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Et puis en fait, les gens, le groupe, tout ça, ça crée un truc qui retourne le bazar. Et l'important, c'est ça, c'est que quel que soit le concert et le lieu, s'il se passe quelque chose avec le public, s'il y a une interaction et que les gens commencent à se lâcher, les digues elles cèdent et les gens se lâchent vraiment parce que le rock'n'roll ça sert à ça, et bah nous on réussit notre truc et on kiffe. Faut pas qu'il y ait trop de chaises pour rester assis, si j'ai bien compris ce soir. Ouais, il y a des lieux qui s'y prêtent moins, où il y a moins d'ambiance, mais ça c'est toujours la faute des musiciens. Je veux dire, si t'arrives pas à emmener les gens, c'est que t'as loupé un truc au passage. Mais bon, il y a des challenges plus difficiles que d'autres. Après, ça veut, voilà, les gens bougent pas forcément, ça veut pas dire qu'ils apprécient pas non plus le concert. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, nous, parce que les concerts c'est toujours égal, c'est vrai, une surprise, on sait jamais à quoi s'attendre. Ça peut être, on avait des concerts, on s'attendait pas grand chose, c'était la folie. On a eu des concerts, on attendait beaucoup et il y avait pas grand monde. Il pleuvait, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, nous, notre objectif c'est de tout donner, quoi qu'il en soit, quelles que soient les conditions. Et effectivement, s'il y a plus de répondants, bah, ça nous, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, ça nous apporte ce flux d'énergie supplémentaire. Ouais. Avant que ne s'ouvre la faille et que ne cesse le temps, qu'une autre étoile ne se blesse, arrêtons-nous juste un instant pour faire le vide dans nos têtes. Et finalement, tout en dedans, le trou béant, tu le ressens. J'ai vu les hommes qui parlent à la lumière. J'ai voulu croire, enfin. Dernière question, 21 grammes, pourquoi ? Parce que 21 grammes, c'est, moi j'appelle ça, quand je passe 21 grammes dans Pop'n'Rock, je dis que c'est le poids de l'âme du rock. Mais pourquoi 21 grammes ? Il y a un film, quand on tape 21 grammes sur internet, on trouve d'abord le film... Je vais répondre parce que Guillaume, il en a marre de répondre à cette question. Alors je lui pose la question juste après. En fait, c'était un médecin américain qui s'est amusé à peser des corps vivants et les mêmes corps une fois morts. et qui a fait une moyenne et qui a vu une différence de 21 grammes et qui en a déduit bêtement que c'était le poids de l'âme qui s'enfuyait du corps. Donc c'est vraiment la réponse classique, parce que ouais. Moi j'attendais autre chose. Mais on peut la compléter un peu si tu veux. Parce que en fait les gens se disent ouais voilà c'est le poids de l'âme, c'est une référence à ça, il y a déjà un côté un peu poétique et tout, mais c'est surtout le côté super paradoxal en fait, qu'il y a un mec qui est assez symptomatique de ce qu'on est nous humains, qui s'est dit tiens je vais peser, je vais essayer de quantifier, de mesurer ce qui par définition l'est pas, c'est-à-dire notre facette spirituelle, l'âme, ce qui est invisible, immatériel. Et il a essayé quand même le mec de se dire je vais rendre ça matériel. Et c'est l'humain, c'est cette volonté de toute puissance, de maîtrise de tout. Et finalement on se rend compte, bah, de toute façon l'actualité parle d'elle-même, qu'à vouloir trop maîtriser, on se prend un gros retour de boomerang dans la gueule et tout le monde rentre à la maison. Donc il y a un peu ça derrière ce nom-là aussi, un peu moqueur sur l'humanité, de se dire ouais, nous, ce concept autour de l'âme et tout, ça nous intéresse parce que notre musique, elle est introspective au niveau des textes. Mais il y a aussi cet aspect critique de dire putain, on est quand même une drôle d'espèce. Mais tu vois, Stéphane, on peut lui poser la question, il continue de répondre. Bon, en tout cas, moi, je vous dis merci parce que c'est grâce à des gens comme vous que nous, on prend du plaisir. Parce que même si on reste le cul posé sur notre chaise, là et là, ça bouge très fort. Merci 21 grammes, salut Tristan. Bah merci. Salut Arthur. Merci beaucoup. Salut Stéphane. Merci. Salut et merci Guillaume. Bah c'est nous qui te remercions, puis bah à bientôt. Et bonne route à vous en tout cas. Merci les gars. Merci. Chacun derrière nos barricades, là tu ne m'entends plus. La situation se dégrade plus qu'elle n'aurait dû. Pour un sourire de toi, pour un simple signe de tête, je suis prêt à n'importe quoi. Lancé à la conquête de ce regard que tu n'as plus et que depuis j'espère en vain. Inutile de me mettre à nu pour débuter mon baratin à coup de wow, oh, oh, si je me lance à corps perdu, voudras-tu ma cède à le tien? L'alchimie s'est débattue, bousculant tout sur son passage. Pour un simple malentendu, nous voilà pris dans l'engrenage. Fini les wow, oh, oh, oh, oh. Y'a comme un air de déjà vu qui t'incite à tourner la page. Si elle est impossible, merci à 21 grammes d'avoir été nos complices un soir de mai à l'issue d'un concert au local de Roanne. Et nous reprenons donc le fil de notre Pop & Rock qui ce soir, vous l'avez peut-être compris, sera consacré au rock français. Voici qu'arrive Daisy Box. Tous les jours je me réveille, tous les jours le soleil et tous les jours qui me surveillent et je t'oublie. Et après les anonymes Daisy Box qui nous ont chanté tous les jours, voici qui arrive Axel Bauer. Ouais, Axel Bauer dans Pop and Rock, c'est possible, mais simplement pour un titre de son dernier album qui s'appelle donc Ici Londres. C'était Jean Berlet, c'était Jacques Brugius, c'était Pierre Bourdon, très important. Les plus importants, c'était Maurice Schumann. Voilà. Les Français parlent aux Français. Les gorilles, bananes, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne, si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages, les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes, s'endort sous nos fenêtres. Ici Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres, à d'autres temps on était plus résistant. En d'autres temps on était plus résistant. Toujours sur Baker Street. Ce soir, Sherlock aura la frite. Sanglots de violon à l'automne. Si l'on en croit Radio London. Ici Radio Londres. On est armé pour vous faire de l'ombre. En d'autres temps, on n'était plus résistant. En d'autres temps, on n'était plus résistant. Au profit 761e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Et si on reste à présent à nouveau dans de la nouveauté, c'est grâce à nos potes de Radio Lozinc qui nous ont présenté le dénommé Stan Matisse avec son morceau Hypatie, avec la particularité d'avoir été produit par un dénommé Patrice Blanc-Francard. Pas la peine d'attendre la fin de l'histoire pour que les femmes puissantes marquent leur territoire. Il est même si les chiens aboient. Il faut toujours, toujours croire en soi. Tu nous as laissé ça. Pendant que le vieux continent s'effondre, à coups de virilisme, d'ardeur nauséabonde, les innocentes ont les mains pleines. Avec ferveur, je leur donne la mienne. Vous êtes bien dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. J'avais un ami, mais il est parti. Ce sens à ma vie, il n'est plus en vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé. peux pas comprendre. C'est à croire que la nuit n'a pas de cœur. Téléphone et autres Noir Désir, groupes emblématiques qui aujourd'hui appartiennent à l'histoire du rock. Rock qui heureusement perdure grâce notamment à The Gens. Heureusement, le rock français garde encore quelques pépites, quelques météorites, comme The Liminianas, qu'il faut absolument voir en live. Supersonique, le dernier chic, je me suis procuré. Dans la bouilloire grise, par erreur, au lieu de deux, on en jeta 22. Et ça a commencé.

déjà noir. Français, c'est aussi le rayon des chairs disparues. J'aurais aimé connaître bien plus tôt Elista. Aujourd'hui, je ne fais que piocher dans une bibliothèque musicale de Elista qui malheureusement n'aura peut-être jamais de suite. Comme ça, d'en haut des cieux s'envole un cri, n'entends-tu pas pleurer les saints, que le paradis déçoit. J'ai vu de ceux qui nous dominent assez déjà, assez de vœux de bon génie, croisant les doigts, rassitons ceux qui croyaient en tout ça. Pour moi tous ceux qui nous animait là. Si je n'avais Dieu que pour toi, vivrais-je au-dessus de tout ça. Si tu m'aimes, si tu ravives mon émoi, moi silencieux je signe assis tous les contrats. Je sais qu'ici trouver abri ou